821. Bonsoir, bonsoir chez vous, bienvenue. Il est 19h30, lundi 10 août 2020. Bienvenue sur Arc-en-Ciel pour la rédaction du sport. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission en direct sur le 96.2 ou sur le site radioarc-en-ciel.fr. Vous pouvez bien sûr nous joindre à tout moment par Facebook rédaction du sport ou au standard 02 38 434 800 pour intervenir et bien entendu débattre avec moi des sujets de la soirée. Ce soir, on va bien sûr revenir sur le foot. Le Final 8 de la Ligue des Champions est connu. Lyon y sera, tout comme Paris, on le savait déjà. Lyon qui y sera grâce à sa... Alors pas sa victoire, mais sa qualification face à la Juve après une défaite 2-1. Et bien, le but à l'extérieur marqué à l'aller a fait la différence. Et donc Lyon sera opposé à Manchester City en quart de finale samedi. Quant à Paris, ce sera mercredi. On le savait face à l'Atalanta Bergame. Les autres affiches de ces quarts également, on en parlera. La Ligue Europa aussi, avec deux matchs en direct dans 1h30 à 21h. Manchester United qui affrontera Copenhague et l'Inter Milan qui affrontera le Bayer Leverkusen. Ce sera à 21h sur RMC Sport 1 et 2. Et compétition de la Ligue Europa qui se déroule en Allemagne. Voilà les directs, donc ce sera tout à l'heure à partir de 21h. À 20h30, il y aura un autre direct. En basket, c'est la NBA entre Phoenix et Oklahoma. Et il y aura également 21h Utah Jazz Dallas. Ce sera sur Bein Sport 1, cette deuxième rencontre. Donc pour la suite de la saison régulière qui se terminera le 14 ou 15 août. Hein, 15 août. Voilà pour les derniers matchs. On parlera bien sûr de la NBA aussi tout à l'heure dans le point basket. Évidemment, tennis aussi avec des infos. Des forfaits pour l'US Open, il y en a encore. Voilà, on a aussi. On verra aussi sur les 39 ans de Roger Federer. Vous savez qu'il y a eu 39 ans la semaine dernière, avec un petit point sur les chiffres du Suisse, avec une carrière énorme, bien sûr, qui n'est pas terminé. On fera un point. L'US Open, donc, qui s'approche à grands pas. Wawrinka, qui serait a priori, et c'est toute cellule, c'est officiel, qui n'y sera pas. On aura aussi chez les femmes des absences. On en parlera. Concernant Novak Djokovic, pour l'instant, il n'a pas encore donné son sa décision, qui devrait se faire dans les prochains jours. On avait annoncé Nadal la semaine dernière déjà, bien sûr, son forfait. Et voilà pour le tennis. On en parlera tout à l'heure. De la Formule 1 aussi, victoire hier lors du Grand Prix de Max Verstappen. On parlera de la MotoGP avec un Grand Prix de République Tchèque qui s'est déroulé hier avec un vainqueur inédit. Voilà. Et bien sûr, on parlera des Grands Prix à venir dans les prochaine semaine, voilà pour la MotoGP. Et puis quelques infos aussi. Athlétisme, avec quelques chronos de ces derniers jours. Voilà pour ce programme qui nous attend. Les directs, je vous les ai donnés. Hein. Il y aura du foot, il y aura du basket donc tout à l'heure. Et puis vous, bien sûr, au 02 38 434 800 ou sur Facebook, n'hésitez pas. Et vous faites vos choix, bien sûr, de son, comme chaque lundi. Proposez-nous vos envies, on passera tout ça dans la soirée. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec un premier titre. Et on va revenir juste après donc pour démarrer avec donc la MotoGP, avec la Formule 1. Et il y aura du hand aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais il y aura aussi du hand, bien sûr, pour revenir aussi sur les infos hand, même si ça... C'est assez calme, il y a quand même des petites infos à vous donner. Donc tout à l'heure, ce sera juste après la la partie sport mécanique, on aura une page handball. Voilà pour ce programme. Une première pause et on va revenir donc juste après pour démarrer. Il est 19h34 et tout de suite on écoute pour démarrer Dire Straits. C'est parti donc pour ce premier titre qui démarre maintenant avec Money for Nothing. C'est donc Dire Straits tout de suite. Et après ça, donc 4 minutes, on revient pour donc démarrer notre programme. A tout de suite sur Arc-en-Ciel, 19h35. Avec Money for Nothing, c'était le premier titre de la soirée. On est de retour pour démarrer avec cette première partie. On va tout de suite se lancer avec le Grand Prix de Formule 1 hier sur le circuit de Silverstone. C'était le Grand Prix du 70e anniversaire du Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc sur le même, même circuit que la semaine dernière. Avec la victoire pour Max Verstappen sur Red Bull devant les deux Mercedes, Hamilton et Bottas, qui pourtant démarraient sur la première ligne. Verstappen qui était seulement quatrième sur la grille de départ. Et finalement, c'est lui qui s'impose, même si c'est pas le plus rapide. C'est quand même lui qui a su gérer sa course et s'imposer après avoir manqué de peu la victoire la semaine passée déjà sur ce circuit. Après la crevaison d'Hamilton, et bien cette fois Verstappen qui s'impose. Charles Leclerc quatrième qui partait loin quand même, qui partait seulement 8e, donc une belle remontée pour le Monégasque. À noter les points pour Esteban Ocon qui est 8e sur Renault, Gasly 11e et puis déception pour Grosjean seulement 16e, lui qui partait pourtant à la 13e place, donc une descente pour lui dans ce Grand Prix. Un seul abandon, celui de Kevin Magnussen, norvégien, après 43 tours, sinon tout le monde est arrivé. Le classement, évidemment, qui est toujours dominé par Lewis Hamilton avec 107 points. Max Verstappen revient à quelques encablures avec 77 points. Valtteri Bottas est juste derrière avec 73 points. Puis Leclerc qui est bien loin avec 45 points. Quatrième, Ocon 16 points. Gasly 12 points. Pour l'instant, Grosjean n'est toujours pas dans les points. La suite du programme de ce championnat du monde de Formule 1, ce sera dès dimanche avec le Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone. Voilà, et puis encore quelques Grands Prix d'ici là avec la Belgique, l'Italie, il y aura le Grand Prix de Toscane, la Russie, il y aura un circuit sur le Grand Prix sur le circuit de Nürburgring, et puis il y aura le Portugal et enfin un nouveau Grand Prix en Italie. Voilà, il y aura encore pas mal de choses d'ici le mois de novembre, peut-être d'autres d'ici là. On rappelle qu'il y avait quand même beaucoup de reports ou d'annulations jusqu'à maintenant. Voilà pour la Formule 1. Puis bien sûr, c'est Mercedes qui domine le classement constructeur avec Red Bull deuxième. Passage en MotoGP désormais avec le Grand Prix de République Tchèque. Avec, on rappelle, le nouveau forfait de Marc Marquez qui avait tenté de revenir la semaine passée en Espagne et qui avait finalement fait un retour trop rapide, qui avait dû renoncer et qui du coup était absent également donc ce week-end sur ce Grand Prix de République Tchèque. Victoire de Brad Binder, le Sud-Africain, vainqueur inédit, qui s'impose. C'est Morbidelli l'Italien qui termine deuxième, Juan Zarco troisième, Fabio Quartararo seulement septième. Pourtant c'est bien les deux Français qui partaient devant sur la ligne de départ avec Zarco premier et Quartararo deuxième des qualifs. Finalement ça s'est mal passé pour Quartararo, septième. Zarco qui a conservé sa place sur le podium avec la troisième place. Bonne nouvelle quand même pour le Français Quartararo, c'est que et Vinales et Dovizioso qui étaient ses poursuivants au classement ont fait moins bien. 14e pour Vinales et 11e pour Dovizioso. Ce qui fait qu'il est toujours leader avec 59 points. Vinales, c'est deuxième, 42 points. Dovizioso et Morbidelli, 31 points. Zarco qui fait une belle remontée avec 28 points. Tout comme Rossi, 7e, 28 points. 27 points, pardon. La suite aussi de ce calendrier de cette saison de MotoGP. Avec un Grand Prix qui va nous emmener en Autriche dimanche. Il y aura deux Grands Prix d'ailleurs sur place, comme ça avait été le cas en Formule 1. Donc les 16 et 23 août prochains. Notez que Marc Marquez sera également forfait pour ce premier Grand Prix d'Autriche, peut-être même pour le suivant. Qui s'est fait opérer une deuxième fois la semaine dernière après que sa plaque posée pour consolider l'os du bras avait cédé, donc il s'est fait réopérer les Espagnols et du coup il sera de nouveau remplacé donc Marquez qui va manquer encore une fois ce Grand Prix d'Autriche et voilà, il se prendra cette fois-ci sans doute le temps nécessaire pour la consolidation et pour éviter à nouveau cette deuxième blessure En tout cas, ça va être une très compliquée désormais pour lui cette saison. Pour espérer quelque chose dans cette saison. On a noté aussi, concernant toujours la MotoGP, qu'un Grand Prix va s'ajouter pour ce Grand Prix de MotoGP pour conclure la saison. Ce sera le Grand Prix de Portimao. Voilà, un 14e Grand Prix donc au Portugal. Ça y est, donc il a été officialisé aujourd'hui. Deuxième Grand Prix au Portugal. Ça sera du côté du Portugal à partir du 22 novembre pour clôturer la saison. Avec probablement du public, en tout cas c'est ce qui est attendu, on le verra. En tout cas, ce sera au mois de novembre pour clôturer la saison de MotoGP. Donc 14e Grand Prix qui s'ajoute au calendrier. Voilà pour la MotoGP. Et puis on rappelle que du côté du championnat du monde des rallyes en WRC, eh bien la reprise n'aura pas lieu avant septembre, on le rappelle, avec un calendrier qui est très restreint pour le moment, même si d'autres pourraient revenir. Reprise le 4 septembre. Il resterait 5 rallyes jusque-là. Si jamais, eh bien ça ne bouge pas, s'il n'y a pas d'autres arrivées, mais il est possible, comme c'est le cas en MotoGP ou en Formule 1, que d'autres s'ajoutent d'ici là. Voilà pour la Formule 1, voilà pour la mécanique au global. On va faire un passage du côté du handball, où pour l'instant c'est assez calme. À noter une information concernant la Ligue nationale de handball et la démission de Olivier Giraud. Qui vient d'intervenir comme il était attendu, hein, de son poste de président de la Ligue nationale de handball pour se présenter au poste de la présidence de la Fédération française de handball, voilà, pour passer de l'autre côté. Il a donc officialisé il y a deux jours sa démission, voilà, pour préparer sa campagne au poste de président, bien sûr. Assez logique, donc ça y est, c'est fait pour Olivier Giraud. Puis bien sûr on attend l'Euro, hein, qui aura lieu à la fin d'année si jamais il y a lieu. C'est vrai qu'on avait parlé qu'il était menacé pour l'instant cet Euro féminin par les différents organisateurs Danemark et Norvège. On verra si tout ça pourra se dérouler. En tout cas on n'y est pas encore, mais ça va arriver progressivement. Puis la semaine passée, pas d'autres informations importantes. On aura l'occasion de reparler aussi de Gien avec notre ami Sylvain qui nous écoute, peut-être, je le salue, c'est le cas, qui pourra nous donner d'autres infos sur Gien, sur sa préparation. On rappelle, en septembre, dans un mois, tout juste un mois, il y aura le match Sarran-Gien à Sully-sur-Loire, un match amical. Voilà, puis on attend la reprise aussi avec impatience. Puis il y aura d'autres matchs amicaux aussi, bien sûr, d'ici là, pour Gien et pour Sarran, et puis pour les Panthères aussi, qui joueront, on rappelle, en Ligue, en Coupe d'Europe. La reprise aura lieu pour les filles le 9 septembre, avec un déplacement à Saint-Amand pour les Panthères. Et on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, d'ici là. La Ligue, la Coupe d'Europe également, avec un tour préliminaire, on en avait parlé, qui n'est pas encore connu, en tout cas l'adversaire pour les Panthères qui n'est pas connu. Et on a hâte d'y être pour retrouver nos filles de Fleury en Coupe d'Europe. Voilà pour le petit passage du côté du handball, où c'est, comme on le disait, calme. On rappelle qu'on suivra des directs tout à l'heure, hein, en basket, 20h30. Ce sera Phoenix, Oklahoma. On aura 21h. Utah Jazz, Dallas, et puis 21h, c'est le foot avec les quarts de finale de Ligue Europa, Manchester United, Copenhague, RMC Sport 1, Inter Milan, Bayer Leverkusen, RMC Sport 2. Voilà, ces deux premiers quarts de finale, on en reparlera tout à l'heure de ces quarts de finale bien sûr, de Ligue Europa, puis bien sûr de la Ligue des Champions, évidemment. Un petit bout d'athlétisme. Je vais en parler tout à l'heure avec quelques chronos, rien de d'extraordinaire, mais ça court quand même tranquillement pour tout le monde, avec une performance qui a été réalisée la semaine dernière concernant La meilleure performance mondiale de l'année sur le 100 mètres, c'est chez les filles, qui a été réalisée hier. Le meilleur chrono de la saison pour Shelly Ann Fraser-Pryce, la Jamaïcaine, qui a réalisé la meilleure performance donc, de l'année, mondiale de l'année, sur le 100 mètres à Kingston, donc en Jamaïque, avec un chrono en 10,87. Voilà, lors d'une manche, d'un meeting donc à Kingston, en Jamaïque. On rappelle qu'elle est championne du monde en titre et tout le championnat olympique, hein, 2008 et 2012, donc 10,87. Et donc elle a battu le score de Shane Miller, qui avait fait 10,88 en juillet dernier. Et donc 10,87 pour elle. Une autre performance à noter, très proche, quelques minutes après. Thompson, qu'elle a réalisé 10,88, donc très très proche du score de Fraser-Pryce, donc 10,88, un centième donc de cette marque. Et donc en tout cas, elles sont en forme, hein, les Jamaïcaines, avec deux gros chronos donc ce week-end, hier précisément. Voilà. Autrement, une information concernant Kipruto. Qui court le 3000 mètres, hein, si on me rappelle, le 3000 mètres, Stiple, le Kenyan, qui a été testé positif au Covid-19 et qui sera absent à Monaco pour l'étape de Diamond League qui aura lieu cette semaine, hein, ce sera vendredi. Il a annoncé avoir été positif. Champion olympique du 3000 mètres, on me rappelle, en 2016, hein, 3000 mètres Stiple, champion du monde également. Et voilà, pas de, en tout cas plutôt asymptomatique, puisqu'il ne ressent rien, mais voilà, il a été testé positif et donc il sera bien sûr, en raison du protocole médical mis en place, absent de ce meeting donc le 14 août prochain. La Diamond League bien entendu qui va démarrer donc vendredi avec le meeting de Monaco. On va avoir un peu plus de résultats. On aura ensuite le 23, la semaine suivante, Stockholm. Et ensuite ce sera en septembre avec respectivement le 2, Lausanne, le 4, Bruxelles, le 12, Gateshead, le 17, Rome et le 25, Doha. Voilà pour l'instant ce qui est prévu pour cette Diamond League. Pas de meeting, évidemment beaucoup d'annulations. D'autres pourront peut-être arriver d'ici là. Mais pour l'instant, voilà ce qu'il est prévu du côté de cette Diamond League. Un chrono aussi pour Kevin Mayer, le décathlonien français, qui a réalisé, on rappelle, c'était il y a maintenant une semaine, un score de 10,67 pardon, au 100 mètres, qui a également réalisé à 46,09 au disque. Qui a réalisé plutôt une bonne rentrée, hein, dans un meeting régional à Montpellier. Donc plutôt de bons chronos pour lui sur cette reprise. À noter aussi une suspension pour dopage, c'est qui concerne Natalia Kroll, l'Ukrainienne, double championne d'Europe du 800 mètres, suspendue 20 mois. Qui a gagné le titre de championne d'Europe du 800 mètres devant René Lamotte, la Française, suspendue 20 mois. Par unité d'intégrité de l'athlétisme, donc 2016-2018, c'est deux titres, hein, 20 mois de suspension pour avoir été contrôlé positive à un diurétique, et qui avait été suspendu depuis le 25 février. Et donc 20 mois qui prend effet dès le 16 janvier 2020. Ces deux titres ne sont pas remis en cause. Donc pour l'instant elle va réfléchir à tout ça pendant 20 mois, l'Ukrainienne. Et dernière info concernant le meeting de le marathon de Londres, pardon, qui va être bien maintenu. On en avait parlé il y a quelques temps, et ce marathon qui espérait qu'il soit maintenu. Pour l'instant on est sur un maintien de ce marathon de Londres, mais uniquement pour l'élite, donc une course élite le 4 octobre. Un parcours qui sera modifié en revanche. On avait annoncé pas mal d'annulations, hein. Boston, New York, Berlin, Chicago, Paris pour l'instant qui aura lieu le 15 novembre, on ignore s'il y aura bien lieu. Suédi, c'est celle concernant le marathon de Londres qui a été levée, l'incertitude. 40 000 inscrits. la course qui concerne la plus grosse course de 40 000 inscrits a été elle annulée le 4 octobre, mais une course élite donc aura lieu le même jour, un parcours réduit à une boucle de quelques kilomètres seulement autour de Saint James Park, assez loin finalement du tracé habituel hein, avec pas mal de tours des lieux emblématiques, et bah ce sera pas le cas. Et donc on aura tout de même un beau plateau si ça a lieu, avec le Kenyan Kipchoge, vainqueur en 2018 et 2019, également champion olympique et record du monde hein, de la discipline en 2h01 39 secondes, qui avait réalisé ce score en 2018 à Berlin. Il y aura également l'Éthiopien Bekele à 38 ans, qui lui avait gagné à Berlin l'an passé hein, en 2h01 41 secondes, donc à seulement 2 secondes du score de Kipchoge l'année d'avant. Et donc deuxième chrono de tous les temps quand même. Et chez les femmes, on aura Kosgei, la détentrice du record du monde en 2,14, qui est en train de s'imposer comme l'an passé. Donc un beau plateau attendu donc du côté de du marathon de Londres, si jamais bien sûr il a lieu. Voilà pour l'athlétisme, finalement quelques infos quand même à donner. Une pause et on revient pour la suite avec du basket, du tennis et bien sûr le foot pour terminer. Les directs dans un peu plus d'une demi-heure pour le basket et puis dans une heure pour le foot avec pas mal de choses. On va écouter Stevie Wonder avec on nous propose Stevie Wonder. Dites-moi ce que vous avez envie d'écouter, Stevie Wonder avec Superstition. Bah c'est parti. Donc pour Stevie Wonder, c'est sa deuxième pause et on revient après pour donc la deuxième partie avec plein de choses encore, hein, bien sûr du basket, NBA et du tennis, il y a aussi plein de choses à dire. C'est parti Stevie Wonder. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Il est 19h, passé de 56 minutes. C'est la radio du sport. On se retrouve juste après ça. À tout de suite. avec Superstition, c'était ce deuxième titre de la soirée, réclamé sur Facebook. Voilà, continuez en tout cas à demander vos titres. Voilà, on va essayer de faire au maximum pour passer le maximum de choses. Basket tout de suite avec la NBA, bien sûr, puisque le reste est plutôt calme pour l'instant côté. Côté Deep Elite, où pour le moment, eh bien, on attend la reprise, hein, bien entendu, la reprise qui aura lieu, on rappelle, le 26 septembre. On a encore pas mal de temps avec Orléans qui sera chaud, on rappelle, pour lancer donc la saison. L'information quand même concernant la Deep Elite, toujours à la recherche d'un diffuseur, puisque le contrat avec le groupe Altis et RMC Sport est arrivé à son terme. Donc le championnat de France qui reprend le 25. Et pour l'instant, sur la menace de ne pas trouver de diffuseur télé. Voilà, donc un mois après la date butoir, qui était le 10 juillet, pour l'instant, pas de diffuseur pour ce championnat de France. Voilà, un contrat qui court depuis 2015 avec RMC Sport, donc SFR, qui est arrivé à son terme au 30 juin. Et donc, pour l'instant, pas de reprise annoncée par Altice. Pour notamment donc championnat de France, Leaders Cup et All-Star Game, et puis également la Ligue féminine. Donc pour l'instant, rien n'avance dans ce sens. Concernant Canal+, qui diffuse déjà le basket, Ligue des Champions et compétition internationale. Donc pour l'instant, on n'a pas l'intention de se positionner sur la Deep Elite. Eurosport n'est pas dedans, la chaîne L'Équipe non plus, Bein Sport qui diffuse à la NBA qui ne compte pas non plus investir financièrement dedans, donc pour l'instant c'est le groupe Altice qui resterait l'un des espoirs du basket français pour sauver les meubles et diffuser tout de même cette compétition l'année prochaine. Voilà pour les petites infos sur la Deep Elite, si vous allez tout regarder, pour l'instant ça va être compliqué pour l'instant de trouver de quoi regarder l'année prochaine. Donc NBA, puisque le reste, on le disait, c'est assez calme, sauf en Euroleague, une information en Euroleague féminine qui concerne le club de Basketland qui remplace son Clat Montpellier, qui sera directement qualifié pour la prochaine édition de l'Euroleague. Une qualification qui a été rendue possible par le forfait de Montpellier, finalement, qui va se retirer. Donc Céline Dumerc qui va stopper sa carrière l'année prochaine, va bien diffuser l'Euroleague pour finir. Pas de tour préliminaire, donc c'est une bonne nouvelle. Qui devait au démarrage disputer l'Eurocoupe et était repêché donc dans l'Euroleague en raison du forfait de Montpellier, faute de moyens. Voilà, qui va renoncer à diffuser l'Euroleague. Et voilà, c'est donc le basket-land qui va en bénéficier de ce retrait. Voilà pour. L'information de EuroLeague. Puis on aura le temps de refaire un point complet sur toutes les coupes, les compétitions européennes, bien sûr, à la reprise avec les clubs français engagés un petit peu partout. En NBA, on approche de la fin de saison régulière, enfin de le petit passage là pour les qualifier, pour tenir le qualifier pour les playoffs. Quelques résultats de la nuit dernière. On a une victoire de Portland qui a battu Philadelphie 124-121, Houston qui a battu Sacramento 129-112, victoire de Brooklyn face aux Clippers 129-120. Ce soir, dans moins d'une demi-heure, ce sera le match entre Phoenix et Oklahoma City, et à 21h Utah Jazz Dallas. Un point classement à l'Est, ça n'a pas bougé pour Milwaukee en tête, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphie, Brooklyn et Orlando sont pour l'instant les qualifiés. Ça ne devrait plus bouger puisque Charlotte 9e est loin derrière. Donc a priori, nous connaissons nos 8 à l'est, à l'ouest. Pour l'instant, pas de changement avec les Lakers et les Clippers, bien sûr. Denver est 3e, Houston, Oklahoma City, Utah Jazz, Dallas et Memphis. Ça peut encore jouer pour Portland qui peut tenter de reprendre dans le top 8. Les Spurs et les Phoenix sont pas très loin, il n'y a que 2 victoires de retard, donc c'est encore possible. Les Pelicans sont à 30, c'est un petit peu plus loin quand même. Ça termine toi à 29, donc ça va se jouer encore jusqu'au bout. avec des matchs, donc on le disait tout à l'heure, et cette nuit également, avec Milwaukee Toronto à 20 à minuit 30, Miami Indiana à 2h, les Lakers qui reçoivent, enfin qui entre guillemets reçoivent dans la bulle, qui reçoivent Denver à 3h, et puis ensuite demain soir, Orlando, Brooklyn, Spurs, important face à Houston, un match important pour essayer de revenir dans le haut, donc face je le disais à Houston, hein, les Spurs face à Houston. On a ensuite Philadelphie face à Phoenix et Dallas face à Portland. Et la fin de cette saison régulière, le 15 août, enfin de la nuit du 14 au 15, avec encore 4 matchs. Et ensuite, on attaquera rapidement la phase finale, les playoffs. Et donc, si on connaît les classements à l'est, à l'ouest, il y a encore quelques places à prendre. On le disait. Voilà pour la NBA. Voilà, on fera un point lundi prochain. On aura tous nos qualifiés. Et on pourra commencer à parler de ces playoffs. Tiens, à noter quand même une info concernant Rudy Gobert, qui a été nommé pour défendre son titre de meilleur défenseur de NBA. Voilà, on rappelle qu'il le pivot français. Et il a été élu 2 années de suite meilleur défenseur de la saison régulière et qui pourrait cette fois encore détenir ce titre. Voilà, qui fait partie des 3 joueurs nommés pour cette course au trophée. Avec donc notamment Giannis Antetokounmpo, voilà, qui joue au Milwaukee bien sûr, et Anthony Davis, les Lakers. Donc il y a du lourd cette année pour Rudy Gobert, mais pourquoi pas. Pourquoi pas donc réaliser la passe de 3 qui pourrait donc faire comme Dwight Howard. C'est le seul joueur à avoir porté 3 fois ce trophée en 2009, 2010, 2011 depuis le début des années 80. Donc ça pourrait faire une grosse perf pour lui. Donc ce sera juste à la fin de cette saison régulière, on pourra avoir ses résultats. Voilà pour le basket, le point ce soir. Voilà, on va passer au tennis, bien sûr, avec pas mal de choses à dire. Pour l'instant, pas de... côté rugby, pas de... pas grand-chose à dire, si ce n'est que côté stade français, des cas de Covid-19 positifs ont été annoncés. Voilà, donc certains joueurs contrôlés ont été testés positifs. On n'a pas le nombre, mais en tout cas il y en a quelques-uns, une dizaine selon les informations. Donc quarantaine bien sûr pour ces joueurs et nouveau test à partir de demain. Stade français qui pourrait être qui pourrait, après cette réparation, cette transit, pourrait être mise en cause à maintenant un mois de la reprise, hein. 2 matchs amicaux prévus 14 août à Tulle contre Brive et le 27 à Toulon. Ça pourrait être compliqué pour le Stade français de jouer ces matchs amicaux si jamais les résultats sont encore positifs. Hein. Une autre info concernant l'élection de la présidence de la Fédération française de rugby qui a été maintenue pour le 3 octobre. Voilà, c'est l'instance fédérale qui a confirmé cette date du 3 octobre, malgré l'avis du Comité national olympique de repousser cette date d'élection. Mais elle aura bien lieu le 3 octobre. A priori, ça ne bougera pas concernant cette présidence, avec bien sûr Bernard Laporte, candidat à sa propre succession. On en avait déjà parlé. Concernant la fin du tournoi des 6 nations, voilà, on a une date, ça y est, pour le fameux match France-Irlande qui aura lieu le 31 octobre. C'est officiel. C'était présenté depuis plusieurs semaines déjà et c'est maintenant chose faite, officialisée. Voilà, ça a été annoncé par le comité des 6 nations, qui l'a annoncé dans un communiqué donc la semaine dernière, le 31 octobre à 21h au Stade de France, notamment. Voilà, et puis le match du 15 de France féminin face à l'Irlande se jouera lui aussi ce week-end là à Villeneuve-d'Ascq par contre, et en revanche pas de date et d'heure, mais ce sera le même week-end que ce France-Irlande masculin. Et on espère des victoires évidemment. Et puis le France-Irlande chez les U20, lui par contre annulé. Conséquence, donc il n'y aura pas de vainqueur dans le tournoi des U20 cette année. Voilà, 31 octobre, sous réserve bien sûr, encore une fois, de ce qui se passera dans les prochaines semaines. Concernant le Irlande-Italie, donc l'Irlande-Italie sans doute à huis clos, hein, Voilà, lui qui sera programmé au 24 octobre, donc il est en Italie, puisqu'on a également encore un match à jouer face à l'Italie, à huis clos, a priori à ce qu'annonçait la fédération irlandaise. Mais voilà, l'Irlande qui aura deux matchs à jouer, hein. Il y aura l'Italie, puis la France, avec voilà, pour l'instant un quatrième avec un match en moins. L'Irlande peut toujours remonter sur le podium du tournoi, hein, à condition d'affronter, de battre l'Italie. Et ensuite, le 15 de France, on rappelle que l'Angleterre et la France sont à égalité avec 13 points, l'Écosse est à 10 points, et l'Irlande à 9 points, les Pays de Galles à 7 points. Donc l'Angleterre, voilà, qui aura également encore un match à jouer face à l'Italie. Voilà, et donc ce sera un duel à distance pour le titre cette année. Voilà, donc une information importante tout de même, c'est a priori le 31 octobre que tout se jouera pour la France. Voilà, concernant les infos rugby, voilà, il y a quelques petites choses à dire encore, mais ça reste assez calme. Passage au tennis avec donc les infos, l'US Open qui approche à grand pas désormais. On a déjà donné pas mal de forfaits. On aura Pierre Huguet, attendez, les Français, je viens de le voir, qui sera pas là. Nadal, on en a parlé. On aura a priori l'absence aussi d'Andy Murray. Djokovic qui lui hésite toujours à se rendre à New York, voilà, qui pourrait y aller en grand favori avec l'absence de Rafa Nadal et de Roger Federer. Celle du numéro 1 mondial, sa participation est toujours en suspens. Voilà, on ne sait pas si il va faire le voyage. Nick Kyrgios devrait faire lui aussi l'impasse, l'Australien. Qui fera l'impasse sur l'US Open, qui pourrait aussi faire l'impasse sur Roland Garros. Il s'interroge aussi de voyager en Europe, puisque pour l'instant il est toujours en Australie. Et mince espoir pour qu'il soit à Roland Garros. C'est ce qu'il a annoncé là. Et puis des doutes aussi pour l'Open Australia 2020. Lui il va voir assez loin, mais c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question. Nadal lui sera, on le disait, absent pour l'US Open, qui se posera aussi la question pour Roland Garros, qui va évaluer la situation en fonction de ce qui va arriver, qui devrait a priori être à Rome pour le seul tournoi de préparation sur terre battue, puisque on rappelle que Madrid a été annulé. Donc pour l'instant, évidemment, il va prendre le temps aussi de réfléchir pour Roland Garros. On aura, on le disait, l'absence de Stan Wawrinka aussi, tout à l'heure on l'a appris. Donc voilà, il y a un de plus dans cette liste des absents de l'US Open. Pas une surprise, hein, puisqu'il n'était pas sur la liste finale, hein, des engagés. Hein. Il est notamment inscrit pour deux challengers qui se joueront à Prague du 17 au 30 août, donc voilà, ça a laissé peu de chance au doute. Et pour l'instant, encore des questions quant à la tune de l'US Open, voilà, rien n'est sûr encore jusqu'à maintenant. On a également Andy Murray, donc on le disait. En revanche, lui, l'Écossais qui était invité, qui a reçu une wildcard pour l'US Open, tout comme Kim Clijsters, la Hollandaise. Voilà, donc tous les deux ont reçu jeudi une invitation de la part des organisateurs de l'US Open pour prendre place, pardon, au tournoi, même s'il avait annoncé que pour lui, il va falloir beaucoup réfléchir. Andy Murray invité déjà pour Cincinnati et donc US Open, 120e mondial, hein, on le rappelle. Côté féminin, Kim Clijsters sera a priori sur place, en tout cas sera invité. La Hollandaise. Chez les femmes, pour les forfaits, pardon, Kiki Bertens qui renonce également, la néerlandaise numéro 7 mondiale, n'ira pas sur place. Donc on avait déjà confirmé la numéro 1 mondiale chez Barty qui sera absente. Wang également, Pavchenkova, on aura également Julia George, Jelena Ostapenko, donc maintenant Kiki Bertens qui n'ira pas non plus à l'US Open, puis d'autres suivront très certainement d'ici là. On aura évidemment également Elina Svitolina qui n'ira pas à l'US Open non plus, tout comme Gaël Monfils, hein, bien sûr, hein, ce qui sera assez logique, son compagnon. Voilà, donc ça continue les forfaits, hein, c'est des grands chelems qui vont pas ressembler à grand chose, hein, du coup. on aura Simon Halep qui va prendre sa décision après le tournoi de Prague. Voilà, elle a annoncé la numéro mondiale qui va attendre la fin de Prague pour prendre sa décision. Voilà. D'ici là, voilà, on le dit d'autres encore, hein, certainement. Noter une victoire française quand même. C'était à Palerme. Fiona Ferro qui a remporté le deuxième titre de sa carrière, qui a battu Concavate 6-2-7-5 en finale hier. Fiona Ferro, donc c'est son deuxième titre de sa carrière. Après sa deuxième balle de match, et donc une victoire française et deuxième pour elle. Bravo en tout cas française pour son titre. Et puis dernière info, concernant Roger Federer, donc a fêté ses 39 ans la semaine dernière. Et bien c'était le 8 août samedi. Avec quelques chiffres pour revenir sur sa carrière après 39 années, qui devient le plus vieux membre actif du top 100 mondial, tout de même à 39 ans. Hein. Quatrième mondial toujours, de l'avance sur le cinquième qui est Medvedev, et un peu de retard sur Dominic Thiem, seulement 415 points. 20 titres du Grand Chelem, on le sait bien sûr. 6 Open Australie, Roland Garros, 8 Wimbledon et 5 US Open. Le recordman pour l'instant avec 20, Nadal suit avec 19, et puis bien sûr Djokovic qui suit lui avec 17. Très très serré, hein. Encore une fois cette bataille. 101 et 102, c'est ses nombres de matchs remportés à Wimbledon et à l'Open Australie. Federer, qui est le seul joueur, hommes et femmes confondus, dans l'Air Open à avoir plus de 100 victoires dans deux majeurs différents. Voilà, il pourrait peut-être en avoir un troisième avec l'US Open. Roland Garros est un petit peu plus loin. 5, c'est son nombre d'années où il est terminé numéro 1 mondial, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009. Et 103 également, 103 son nombre de titres. Ce n'est pas le record, le record est détenu par Jimmy Connors avec 109, mais il est à plus de 100. 28 dans la catégorie des Masters 1000. 1102 matchs, c'est son nombre de matchs remportés. Là aussi, il n'est pas loin du record. Et puis 6 victoires dans le Masters de fin d'année, et recordman également. Et seulement 4 grands tournois du Grand Chelem manqués en 20 ans. Roland Garros en 2016, 2017 et 2018, on s'en souvient. Hein. Après, il avait zappé pas mal de fois ce tournoi. L'US Open en 2016 également. Et puis pour forfait. Et l'US Open 2020 également, puisqu'il avait annoncé, on s'en rappelle, mettre un terme à sa saison pour une nouvelle opération. Voilà, en tout cas, cette petit chiffre du Suisse qui reviendra l'année prochaine avec encore des ambitions à 39 ans. On va marquer une pause et puis on va terminer avec le foot. Il est 20h18, ce sera dans 10 minutes au Phoenix Oklahoma City, c'est donc en NBA. Puis à 21h, il y aura un autre match de basket et du foot, bien sûr, avec les quarts de finale de la Ligue Europa. Donc le foot dans un instant. D'ici là, le foot avec bien sûr la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Voilà, avec quelques infos transferts également. Voilà, et puis voilà, ça nous emmène tranquillement à la fin de cette émission. Pour le titre, eh bien. Une info, une petite info concernant. On parlait tout à l'heure du Florida Orlando Ball, une info qui nous est communiquée par Christophe, que je salue Christophe s'il nous écoute, concernant une ex-joueuse du Florida Orlando Ball, Adja Cissé, sélectionnée pour participer à Koh-Lanta, qui va revenir en fin de mois. On aura l'occasion de la voir dans cette émission. Donc Adja Cissé, donc qui avait joué également avec le Florida Orlando Ball. On va marquer une pause, puis on revient juste après avec encore des infos, donc le foot et puis les transferts, voilà, et puis nos directs qui vont arriver. On nous propose qu'est-ce qu'on nous propose pour le son? Plein de choses encore. On va essayer de choisir dans tout ça. Il y a plein de propositions. On a écouté déjà, oui, ça c'est fait. On va écouter plein de choses. On fera aussi pour terminer tout à l'heure avec deux titres. On choisira, c'est vous qui voterez pour le dernier titre entre deux, de propositions. Mais là, on propose. Ah bah tiens, on va écouter George Harrison avec un titre que vous connaissez. Bien entendu, ce sera l'avant-dernier titre. Et puis ensuite, on aura le dernier tout à l'heure. C'est vous qui voterez pour ce dernier. C'est donc George Harrison tout de suite avec ce titre tout de suite qui démarre. Got My Mind Set On You. A tout de suite. Harrison, Got My Mind Set On You pour ce d'avant-dernier titre de la soirée. On est de retour pour eh bien le foot, ça y est, avec donc les infos. On va commencer, tiens, avant de parler du foot masculin, du foot féminin, puisque hier avait lieu eh bien la finale de la Coupe de France féminine, remportée par Lyon face au Paris Saint-Germain en finale au tir au but. 4 tirs au but à 3 pour les Lyonnaises après 0-0 dans le temps réglementaire. Donc victoire pour donc Lyon dans cette Coupe de France. Voilà pour cette phase-là. Et puis on rappelle que on aura les quarts de finale de la Ligue des Champions féminines également, qui auront lieu donc la semaine prochaine. Ce sera la semaine suivante, pardon, même. Non, la semaine prochaine, vendredi et samedi, avec pour les Françaises, Lyon qui va affronter dans le Bayern Munich. Ce sera samedi soir. On aura dans le même temps Arsenal Paris à 20h, donc les deux clubs français qui vont jouer en même temps. Et puis les autres quarts, Glasgow, Wolfsburg et Atlético Madrid Barça. Les demi-finales qui auront lieu les 25 et 26 août, pardon, je vais y arriver, et avec un potentiel Paris-Lyon en demi, donc ce qui nous assurait un club français en finale. C'est pour ça que les Parisiennes doivent battre Arsenal et les Lyonnaises doivent battre les Munichoises. En tout cas, ce sera la semaine prochaine, c'est quart de finale, alors que chez les hommes, ce sera cette semaine. On va en reparler dans un instant avec, bien sûr, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, qui arrive à grands pas. Ligue Europa, ce sera dès ce soir, on le disait, avec Manchester United qui, bon, après avoir gagné 5-0 aller, avait battu encore une fois Linz 2-1 au retour, donc qui affrontera Copenhague, qui de son côté, après avoir été battu 1-0 face à Istanbul, a gagné 3-0 au match retour, donc se qualifie. L'Inter se qualifie en ayant battu sur un match sec Retafe 2-0, puisque le match aller avait été annulé. Donc l'Inter qui affrontera le Bayer Leverkusen de son côté, qui s'est qualifié en battant les Glasgow Rangers 3-1 plus 1-0 au retour, donc qualification très logique. Ça, ce sera ce soir à 21h. Puis demain, on aura le Shakhtar Donetsk qualifié après avoir battu deux fois Wolfsburg, donc sur l'ensemble des deux matchs. On a un score cumulé de 5-1, donc là, pas de détails. Qui affrontera le FC Bâle, qualifié là aussi en ayant battu sur le cumulé 4-0 Francfort, hein, 3-0 plus 1-0. Et puis le dernier, quart de finale entre Wolverhampton, qualifié après avoir battu l'Olympiakos, c'était serré hein, partout, là, les 1-0 au match retour. Wolverhampton qui affrontera donc Séville, qualifié sur un match sec, ayant battu la Roma 2-0. Voilà. Et le match aller qui avait été aussi annulé, donc qualification de ces 8-là. Donetsk, Bâle, Wolverhampton, Séville, demain 21h. Puis ce soir, United, Copenhague, Milan, Bayern, Leverkusen. Ça, ce sera demain, et aujourd'hui et demain. Les demi-finales la semaine prochaine, lundi et mardi prochain. Et la finale le 21 août, donc le vendredi soir de cette Ligue Europa. La Ligue des Champions, là aussi le Final 8, on le connaît. Après match courageux des Lyonnais, et bien ils se qualifient en quart de finale malgré la défaite 2-1 face à Juve, à un doublé de Cristiano Ronaldo. C'est Depay qui va ouvrir le score sur penalty après une faute à la surface. Ronaldo lui aussi égalise sur penalty pour une faute de main peu évidente du capitaine lyonnais Depay. Et puis à l'heure de jeu, à nouveau Ronaldo, et puis derrière, très compliqué, mais Lyon qui tient et qui se qualifie brièvement pour les quarts de finale en ayant profité du but à l'extérieur, finalement, qui a raconté ce but à l'extérieur marqué en début de match. Et donc qualification des Lyonnais qui affrontera donc une Manchester City. Ce sera samedi soir à 21h. Manchester City qui a battu le Real 2-1 après avoir déjà gagné 2-1 l'année, donc terminé compétition européenne pour le Real, malgré l'égalisation de Karim Benzema après l'ouverture du score de Sterling. Et bien Ressus qui va réduire les exploits du Real, donc défaite 2-1. Ce sera samedi. Mercredi, bien sûr, on rappelle Bergame Paris, ça on le connaissait, à 21h. Jeudi, Leipzig Atlético Madrid, qu'on connaissait. Vendredi, Barça Munich, qui est Barça qualifié après avoir battu Naples 3-1 avec un match nul un partout à l'aller. C'est l'Anglais qui va ouvrir le score pour le Barça. Messi à la 23e, Suarez à 45e sur penalty 3-0, puis Insigne sur penalty avant la pause 3-1, mais trop tard. C'est bien du Barça qui se qualifie donc face au Bayern, qui avait déjà gagné 3-0 à l'aller face à Chelsea, qui a encore gagné 4-1 au retour, qualifié sans problème avec encore un but, un doublé même pour Lewandowski, noté le but de Corentin Tolisso. Les quarts de finale, on les rappelle donc mercredi Bergame-Paris, 21h. Jeudi Leipzig-Atlético Madrid. Vendredi Barça-Bayern. Samedi City-Lyon. Voilà, tout ça sur RMC Sport, bien sûr. Mardi, mercredi prochain, les quarts de finale. Un potentiel Paris face à Leipzig ou Atlético, on l'espère, mardi soir. Et puis mercredi, peut-être Lyon, peut-être City, ou face au Barça ou au Bayern. Et puis la finale qui aura lieu le dimanche 23 août. On s'en rappelle. Voilà pour la Ligue des Champions. Donc on attend cette semaine avec impatience les matchs. À noter que on a déjà des matchs des qualifications de la saison prochaine qui ont eu lieu. Voilà cette édition qui n'est pas encore terminée, qu'on va déjà commencer les qualifications pour la prochaine édition. Alors pour l'instant on est encore même pas au premier tour de qualification, mais seulement au préliminaire. Trois matchs du tour préliminaire, on n'est même pas encore au premier tour, ont eu lieu. Donc samedi, et donc avec deux matchs samedi. Alors les noms des équipes, les noms des clubs qui vont pas vous parler du tout, et puis un match demain. Voilà, c'est les tours préliminaires avant même ce premier tour de qualification qui aura lieu mardi prochain, le premier tour de qualification de cette Ligue des Champions. Donc, voilà, on va chevaucher à la fois les quarts de finale, pendant que certains joueront les quarts de finale, et bien d'autres joueront le premier tour de qualification de la saison prochaine. Avec notamment l'Étoile Rouge de Belgrade qui va jouer ce premier tour de qualification, quelques clubs connus quand même, Celtic Glasgow, voilà, qui va aussi devoir passer par ce tour de qualification, Astana qu'on connaît, qu'on avait déjà vu un petit peu plus loin dans la compétition, Cluj, le Razgrad, voilà, qu'on a aussi en tête. Ce sera le premier tour de qualification donc de cette Ligue des Champions pour la saison prochaine. Et puis mardi prochain, eh bien le deuxième tour déjà. Donc là aussi, ça va s'enchaîner avec là aussi des équipes qu'on connaît, comme le Dynamo Zagreb, comme les Young Boys de Berne, notamment Besiktas, voilà, qui sont là, qu'on connaît un petit peu plus dans ce deuxième tour. Et puis ensuite, eh bien entendu, le troisième tour, qu'on va aller un petit peu plus tard, et les barrages enfin, avant d'accéder à la phase finale. Voilà pour cette Ligue des Champions. Donc on termine. On en termine une qui, l'autre démarre déjà, voilà, ça va assez vite. Un petit point transfert avant de s'arrêter là. Tiens, une info concernant Bordeaux et Jean-Louis Gasset qui a été nommé entraîneur pour remplacer Paulo Sousa. C'est officiel depuis aujourd'hui, depuis tout à l'heure. Donc Paulo Sousa et Bordeaux qui ont trouvé un accord pour libérer le Portugais de ses deux dernières années de contrat. Donc Jean-Louis Gasset lui succède. Quant à Alain Roche, lui nommé directeur technique sportif, directeur sportif. Voilà, donc ce qui était prévu entre Bordeaux et Paulo Sousa, c'est réglé aujourd'hui, et donc un accord qui a été trouvé pour lui verser 8 mois de salaire, 2,2 millions pour acter la séparation. Jean-Louis Gasset, donc lui arrive pour 2 ans, sans surprise. L'ancien entraîneur de Montpellier en Corse-Saint-Etienne, c'est ce qui a été annoncé par le comité du club aujourd'hui. Il va diriger donc dès aujourd'hui, il a dirigé sa première séance d'entraînement, et ensuite le stage de pré-saison à La Roche, donc on le disait. Donc son ancien adjoint aussi chez les Verts, chez Saint-Printemps, et l'ancien préparateur donc des gardiens sont également avec lui. Voilà, et puis donc Bordeaux qui donc a officialisé l'arrivée d'un Roche aujourd'hui également. Et son objectif premier, c'est de vendre, voilà, puisqu'il y a besoin de vendre dans cette équipe. L'Inter Milan qui serait sur le cas de Blaise Matuidi, le joueur de la Juve, le champion du monde français. L'Inter Miami, pour moi, la nouvelle franchise donc de David Beckham en MLS, qui a été créé dernièrement par le Britannique, donc l'Inter Miami, qui souhaiterait s'attacher les services de Blaise Matuidi. Il a fait une offre de contrat, on n'a pas le montant donc encore, mais un an de la fin de son contrat, donc une offre pour s'attacher les services du Français. Aucun accord trouvé entre ces deux-là, mais on aura bien sûr des infos prochainement. Donc concernant Blaise Belgique qui pourrait partir, pourquoi pas, aux États-Unis. Concernant Paris Saint-Germain qui pourrait faire jouer dès ce mercredi Ander Herrera, ce qui serait potentiellement dans le rôle du troisième milieu pour cette rencontre. Mbappé, pour l'instant, qui s'est réentraîné avec les autres joueurs, presque totalement. Première partie de la séance collective, qui a retapé un peu dans le ballon samedi. Depuis son entorse à la cheville le 24 juillet. On verra s'il sera remis. En tout cas, il sera potentiellement sur le banc, mais probablement pas titulaire. Pour Verratti, c'est déjà acté, le forfait il est fait pour l'Italien. Et Kurzawa, on le savait aussi depuis quelques jours. Voilà pour ces infos-là. On va s'arrêter là-dessus. Peut-être qu'il y a encore quelques infos. Également, c'est encore assez calme côté transfert. À noter ici quand même que Sarri, coach de la Juve, a été licencié. L'arrivée d'Andrea Pirlo, remplacement donc de Sarri à la Juve après cette élimination face aux Lyonnais, on pouvait s'y attendre. Et donc c'est Andrea Pirlo qui va prendre la suite. Voilà pour cette info-là. On va s'arrêter là pour ce soir. Il est 20h37, un petit peu plus. On rappelle que vous pouvez suivre depuis quelques minutes. C'est parti entre Phoenix et Oklahoma City. Ça va partir hein. En NBA, 21h Utah Jazz Dallas, ça sera sur Beansport 1. 21h également Manchester United Copenhague, 4 finales de la Ligue Europa, 21h donc RMC Sport 1. Également RMC Story pour les non abonnés à RMC Sport, vous pouvez suivre la rencontre en clair et gratuit sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Voilà, ça, c'est sympa de pouvoir suivre cette rencontre sur le canal en clair. Donc numéro 23, anciennement numéro 23, donc on a également RMC Story. Et puis à 21h toujours, Inter Milan, Leverkusen, c'est à 21h aussi sur RMC Sport 2. Voilà, donc pour la TNT, RMC Story. Et puis pour les autres abonnés, RMC Sport 1 et 2 pour les deux rencontres. Voilà pour les matchs de ce soir. Et puis donc demain, demain aussi. Le programme de la semaine d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Cette semaine, on le disait, Ligue des Champions, Ligue Europa. Ligue Europa, c'est ce soir et demain. On l'a répété plusieurs fois. La Ligue des Champions, ça part de mercredi jusqu'à samedi. On aura, bien sûr, un attente à Bergame-Paris mercredi. Et puis, bien sûr, City-Lyon samedi, on les attend, ces rencontres. Voilà, c'est donc cette semaine. Tennis, on va se préparer ou non à l'US Open pour les autres. Basket NBA, fin de la phase régulière, ce sera le samedi matin. Puis à partir de lundi, on vous présentera le programme des playoffs. En Formule 1, Grand Prix d'Espagne. Oui, c'est ça, à Barcelone dimanche. Voilà, comme d'habitude, le programme ne change pas. Vendredi, c'est libre. Samedi, qualification à partir de 15h. Dimanche, course à 15h également. Et en MotoGP, nouveau Grand Prix, ce sera en Autriche dimanche. Voilà, on espère que ça ira mieux pour Fabio Quartararo qui a été un petit peu moins bon. Bon, c'était difficile d'être aussi bon après 2 victoires consécutives, mais on attend son retour. Voilà le programme de la semaine qui est assez calme. Et puis reprise de la Diamond League en athlétisme, ce sera vendredi soir à Monaco. Voilà, pour être tout à fait complet. On va se quitter là-dessus et on va se retrouver la semaine prochaine. Le dernier titre, alors oui, on n'a pas finalement fait, c'est pas grave, le sondage de ce soir pour le dernier titre, on propose ça la semaine prochaine, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va écouter pour terminer? Vous nous proposez encore plein de choses. On va écouter ce titre-là pour finir avec la dernière pause et on va se retrouver la semaine prochaine. Émission que vous pourrez trouver tout à l'heure sur Facebook en podcast après l'enregistrement de notre ami Florent. Et puis bien sûr, vous pouvez ensuite On nous retrouve la semaine prochaine. On écoute pour finir Ride It, c'est le dernier titre de ce soir. On se retrouve lundi prochain, 19h30 toujours. Encore quelques semaines, encore 3 semaines, 3 lundis, le 17, le 24 et le 31. Et puis ensuite, c'est le grand retour de Manu et On The Rocks. À la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao, bye. Et allez les clubs français, allez Paris, allez Lyon, ciao.